Ce festival d'Antibes-Juan-les-Pins vous permettra ce soir d'applaudir au mieux Ella Fitzgerald et les musiciens qui l'accompagnent. Ces musiciens qui l'accompagnent, vous les avez peut-être entendus hier, vous les avez peut-être vus à la télévision. Il s'agit à la batterie de Gus Johnson. Gus Johnson qui va prendre possession de son instrument. Il s'agit à la contrebasse de Billy Yancey. Au piano d'un des meilleurs accompagnateurs qui soit aujourd'hui, Tommy Flanagan. Et comme chef nominal de ce petit ensemble, un des plus grands solistes de la trompette, un des créateurs du jazz moderne, Roy Eldridge. À eux quatre, ils vont donc accompagner la plus grande chanteuse de jazz et aussi de variété du monde, mais c'est comme chanteuse de jazz qu'elle se présente ce soir, Ella Fitzgerald.